بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم الحائية لابن أبي داود في عقيدة أهل السنة والجماعة. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Muhtani qui hafizahullah ta'ala. Sixième leçon. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-salatu was-salam. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إن شاء الله سنراجع البيت 11 12 13 14 ال 11 12 13 14 ذا وهذا يتعلق بنزول الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيائه: وقل ينزل جبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح المتمدح. نعم. فكما نديس ذا sont liés à la descente d'Allah سبحانه وتعالى au ciel de la terre. وهذا أصلا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له، حتى تطلع الفجر. الحديث أن مسلم. Que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que notre Seigneur descend chaque nuit aux cieux de cette dunya, ce bas monde, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit, et il dit: qui donc m'invoque afin que je l'exauce, que je lui réponde? Qui donc me demande afin que je lui donne? Et qui donc me demande pardon afin que je lui pardonne? Jusqu'à ce que se lève l'aube, le fajr. فأصلا النزول ثبت من هذا الحديث. وطيب donc dit que descend le Jabbar هذا من أسماء الله من الجبر. La tarjama que j'ai trouvé c'est le contraignant. Je sais pas si ça correspondrait. في كل ليلة à chaque nuit. لأن أصلا الجبار كما جاء في قول الله تعالى هو العزيز والجبار المتكبر. Il est le puissant. Ils ont mis le contraignant et l'orgueilleux. الجبار يعني que l'ordre d'Allah ne peut être refusé. فهمت؟ Quand il veut une chose, elle l'est. فالعلم هذا الوجه. Je sais pas si le contraignant serait la bonne traduction, je peux pas te dire là. Mais à la base, majbour, c'est être contraint de faire quelque chose. Le sens littéraire, normalement, c'est ça. Tu vois. Le sens littéraire, c'est ça. Mais une haïsul ma'na par rapport à la langue française, ça pourrait être mal interprété également. Contraignant. Alors qu'il te force. Tu vois ce que je veux dire? Et ça se prend dans l'arqueda des Jibriyah. Que ce que tu fais, tu ne le fais pas de toi-même. Tu n'as pas le libre arbitre. Tu es contraint par Allah. Et ça, c'est pas vrai. Donc, si c'est par rapport à ce point-là que le mot en français, il me. Mais sinon, là-bas, c'est ça, quoi. Majbour, c'était contraint par une chose. Mais bien sûr, la contrainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, n'est pas comme celle de sa création. Et que Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a fait, par exemple, tu es contraint sous son ordre, n'haythu al-kawn. Par exemple, comme tout le monde, tu es né d'une goutte de sperme. Comme tout le monde, tu sors du ventre de ta mère. Mathalan. Comme tout le monde, tu es amené à être un bébé pour grandir, pour vieillir, à part si tu meurs avant. C'est une chose que Allah a décrétée. Et tu ne peux la changer. Tu es contraint par rapport à ça. Irad al-Kawniya, tu vois, par rapport à ça, tu ne peux. Par exemple, tu as des cheveux, tu ne peux les empêcher de pousser. Tu peux les couper, mais qu'ils arrêtent de pousser, tu ne peux pas y arriver. Quand les Sheiba, ils viennent, les poils blancs, ils viennent, tu ne peux pas les empêcher de venir. Par exemple, demain, on te dit, reste 4 jours sans dormir, tu ne pourras pas. Et on dit que tu arrives le 5e jour, tu dors 3 jours d'affilée. T'es contraint. C'est-à-dire, t'es soumis à des lois naturelles. Quand on dit non naturelles, c'est des choses que Allah subhanahu wa ta'ala, il a émis sur sa création. T'as la pesanteur, tu ne peux pas voler. Si je te mets dans l'eau, au bout d'un moment, tu vas mourir dans l'eau. Tu n'es pas fait pour respirer dans l'eau. Ça, c'est des choses naam. Donc, par rapport à ça, naam, tu es contraint. Tu es sous les lois naturelles. On ne va pas dire la loi de la nature parce que ça m'aurait pensé qu'il y a autre chose que Allah. Quand on dit naturel, les choses qui sont liées à la création ou au corps. Et c'est Allah qui les a créées, ces choses-là, qui les a voulues. Naam. Mais j'ai jamais vraiment eu de charh. Il y a un nid par rapport à l'explication de ce nom, le Jabbar. On n'était pas arrivé au nom de Jabbar dans son livre. Le chien avait arrêté le cours avant d'arriver à ce nom-là. Mais le livre, je l'ai pas là, en plus. En tout cas, tu es soumis aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, fahimt. Maintenant, le libre arbitre, pour ce qui est de ta religion, de tes choix, ce que tu fais, ça c'est autre chose. Naam. Billa kayf jalla al-wahidu al-mutadammihu. Sans comment jalla al-wahidu al-mutamaddihu, que respondisse, on va dire, le seul, celui qui mérite l'éloge. Mutamaddihu min al-madh. Al-madh, c'est le fait de faire l'éloge. Al-thana ala al-khayr bi-khayr. Donc billa kayf, on ne cherche pas à savoir. On a dit le taqif. Comment Allah subhanahu wa ta'ala descend? Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu binuzul yaliq bijalalihi wa kamalihi, qui convient à sa splendeur et à sa perfection. Nous on ne sait pas comment. On sait ce que veut dire nuzul, descendre. Samaï dunya, on sait où elle se trouve, qui sont sous de nous. D'accord? Maintenant le comment, on ne cherche pas à savoir le comment. Et le souhait du comment, c'est quoi le hukm? Bida. An man jahada? Man malik. Man malik, ta'ala. Parce que l'homme lui a demandé comment. Il a dit le sifat, elle est là. Le sens connu. Et le comment, elle est majoule. Et la question en son encontre, à son sujet, est une bida. Il a fait, après, il a fait sortir cet homme-là de son majlis. Il y a plusieurs versions dans lesquelles il dit Ma raka il mutadi'an. Je vois que tu es un innovateur. Il s'est fait expulser. Non. Donc demander le kayf, c'est une bid'a. Thumma qal ila tabaq ad-dunya yamunnu bi fadlihi fatafruju abwabu as-sama wa tuftahu. Ila tabaq ad-dunya yamunnu bi fadlihi فَتَفْرُجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ. Donc là, tabaq, l'arita, généralement, en français, on traduirait ça par arita, ce serait une chose qui recouvre. D'accord? Une chose qui recouvre. Naam. Tabaq, c'est des niveaux. Mais diab, il y a des ma'ana kazalik. Parce qu'un niveau, c'est une chose qui est au-dessus de toi. Même, elle te recouvre. Puis toi, on peut dire, ouais, ça peut être traduit par un capuchon. Rita Ras, c'est un chapeau. Salen, aïwa, c'est un Rita. Le bouchon du stylo s'appelle un Rita. El Tartia, comme on appelle le réseau. Tartia. Là où le réseau est au-dessus de toi. Une chose qui recouvre. Et un tabac, un niveau, c'est une chose qui est au-dessus de toi. Donc il dit. Il est tabaq ad-dunya yamunnu bi fadlihi, qui vient au niveau de la dunya. Et yamunnu, c'est le fait de gratifier bi fadlihi par sa faveur. Wa dunya zakara shaykh anna sumiyat ad-dunya, elle a été appelée dunya li dunuha min as-sama. Ad-dunu, c'est la proximité. Dana yadnu, c'est s'approcher. Ma'na karuba. On dit udnu. Oudnou, c'est-à-dire rapproche-toi. Donc, Dunya, elle a été appelée Dunya, Minet, Denou. Hein? Aïwa, min courbiha. Min es-sama. Car cette vie mondaine, ce bas monde, est proche des cieux, comme tu peux les voir là. Et également, min denouiha, min el-akhira. Car elle est proche aussi également de l'au-delà. La dunya est proche de l'au-delà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend au niveau de la dunya, de ce bas monde, sama dunya, pour gratifier de ses faveurs, comme dans le hadith est venu. Fatafrujou abwab sama wa tuftahu. C'est-à-dire que là, les portes du ciel s'ouvrent. Hadha yadullu ala anna as-sama la abwab. Les cieux ont des portes. Et les cieux ont des portes. Quand il dit ta'ala, innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwab as-samaa. Que ceux qui ont démenti nos versets et sont enflés d'orgueil face à nos versets, que les portes des cieux ne leur s'ouvriront pas. Ou ala yatruluna jannah, n'entreront pas au paradis. Hatta yatrula al-jamal yasim al-khayat. C'est ce que le chameau rentre dans le trou de l'aiguille. Tu vois le trou d'une aiguille? Eh bien, tu n'entreras pas au Jannah pour celui qui aura démenti les versets, c'est-à-dire le kafir, tant que le chameau n'entrera pas là-dedans. C'est-à-dire jamais. Jamais. Donc, à Zadika, par le Ta'ala, Fatahna abwab as-sama bima'in munhamir. Nous avons ouvert les portes des cieux avec des eaux torrentielles. Donc, les sama, les cieux, le ciel, a des portes. Wa zakara hadith kazalik, qal. Il a dit à Ramadan, Futihat Abwab al-Jannah. Si Ramadan vient, que les portes du paradis sont ouvertes. Également, dans le Riwaya, Futihat Abwab al-Sama. Les portes des cieux, du ciel, s'ouvrent. Il dit Sama, Samawat, à la base, ouais. Les cieux sont plutôt Samawat. Sama, c'est un mufrad. Mais le ciel, c'est quelque chose de vague. Tu peux dire les cieux en parlant du ciel tout seul. Mathalan. Lorsqu'on parle des sept cieux, non, là, c'est. Et donc les cieux sont de niveau. Hein, tabak. Awalam yarau kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. N'ont-ils pas vu comment Allah a créé sept cieux par niveau? Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend au niveau le plus bas des cieux de cette dunya. Thumma qala rahimahullah ta'ala yaqul ala mustaghfirun yalqa ghafiran wa mustamnihu khayran. Donc là c'est pris du hadith. Ala mustaghfirun yalqa ghafiran. Dans le sens, n'est-il pas de demandeur de pardon? De demandeur. Quelqu'un qui demande de pardon. Yalqa. Min laqa, laqiyya, yalqa. Fait de rencontrer. Ghafiran. Pardonneur. Al ghafir min asma'illah. Al ghafir min asma'illah. Il fait le Ghafour ou le Ghaffar, Yasmaïllah, celui qui pardonne. Donc là, dans le sens. Hein? C'est Sirat Aïwa, Stifham. Ou un Mustamnihu Khayran ou Rizkan Amnahu. Ou de demandeur de bien, de subsistance que je donne. Dans le sens. Ammanh. Amnahu. Ammanh, c'est Al-Ata, le don. وَمُسْتَمْنِحُ à la voix إِسْتَفْحَلَ c'est l'isme fa'il de إِسْتَمْنَحَ c'est le fait de demander qu'on te donne comme dans le hadith hein? Comme dans le hadith d'Abi Huraira comme on l'a appris مَنْ يَسْأَلْنِي فَأُعْتِيَ qui me demande afin que je lui donne enfin, ça c'est un مُسْتَمْنِح Adam al-Mustamnih qui demande qu'on lui donne. Wa khayran, du bien. Wa rizqan, subsistance. Wa rizq, yashmal, ça englobe tout ce qui est matériel et également spirituel. Ça peut être de la science. Ça peut être de la compréhension. Ça peut être de la clairvoyance. Tout ça, c'est dans le risque. Ça peut être des biens. Ça peut être des enfants. D'accord ? ça peut être des femmes à marier. Naam. Plein de choses. Ada wasia. Un risque wasia. Et le risque, le haram en dedans également. Le risque, il y a du risque qui est haram, c'est un peu le risque également. Et c'est Allah qui le donne également. Amnahu. Taïb, les mu'attila, ceux qui veulent, qui n'acceptent pas d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par peur de rentrer justement dans le tashbih, de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, ce hadith, ils n'ont pas accepté. Du moins, ils l'ont interprété. Ils ont dit que ce qui descend au dernier tiers de la nuit, au sud de cette dunya, c'est sa rahma, ou son ordre, ou un de ses anges. Et ça, c'est pas possible. Le hadith est clair. Man yas'aluni fa'a'tiyaha, qui me demande afin que je lui donne. Man yastaghfiruni fa'aghfirra, qui me donne pardon afin que je lui pardonne. Est-ce que la rahma appelle à ce qu'on lui donne pardon? Est-ce que le amr d'Allah kadhalik, est-ce que le malak va se permettre de dire que je pardonne? Elle a ghafar ou Allah? Ce n'est pas l'ange. Ni sa sifa. Donc le hadith, il est clair que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Mais comme ils n'ont pas voulu accepter, car pour eux la descente implique forcément une ressemblance avec la création, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu justement purifier Allah de tout défaut, de toute imperfection. Ils ont fait quoi? Ils sont tombés carrément dans la suppression. Tartil. Dans la suppression de l'attribut. Ils ont fait pire encore. C'est comme si demain quelqu'un, je sais pas, il dessine un exemple, une chose sur un papier. Quelqu'un, il dessine une voiture, par exemple. Ça, c'est la voiture de mon frère. Une belle voiture, mashallah. Tu vois? Mathalen. Allez, on va dire, c'est une BMW. Et l'autre, il arrive, il regarde, il fait, mais non, elle est pas comme ça. Il dit, si, elle est comme ça, la voiture de mon frère. Et il vient, il fait, non, attends. Il dit, non, attends, moi, je l'ai, elle peut pas être comme ça, la voiture de ton frère. Je connais ton frère comment elle est, elle peut pas être comme ça. Il vient, il commence à gommer les choses qui distinguent cette voiture-là des autres. Par exemple, le logo de Salen, ou des choses qui sont propres à son design. Par exemple, tu connais la voiture par rapport à leur design, tu peux la reconnaître. Tu peux différencier, par exemple, une Peugeot d'une Renault. Donc il vient, il efface des choses qui sont propres. Tu vois? On dit, t'as voulu embellir cette voiture, à la finale tu l'as déformée, tu as même supprimé ses caractéristiques qui veut qu'on la reconnaît. Tu vois ce que ça veut dire? Ces gens-là, ils font pire encore. Pour eux, le fait de dire que Allah il a une main, c'est lui donner un attribut d'imperfection. Donc il la supprime. Si Allah subhanahu wa ta'ala il te dit qu'il a une main ou deux mains droites et qu'il est parfait, c'est que ça c'est une perfection. Mais ces mains ne sont pas comme les nôtres. Donc les gens veulent arranger, ils disent je vais arranger, ils n'ont pas arrangé, ils ont détruit. Ils ont détruit. Et eux, comme on a dit, sont les mouchabbiha. Parce que c'est eux qu'on suit dans leur tête une descente comme elle est. Après ils ont dit non, c'est pas possible qu'elle descende comme ça. Donc ils ne descendent pas. Ils ont annulé. Le chien a cité l'histoire de cet homme, mais j'ai oublié son nom, qui est entré à Damesk et qui dit qu'il a vu Cheikh Al-Islam Taymiyyah sallallahu alayhi wa ta'ala. Minbar parler justement de ce hadith qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel de cette dunya comme je descends moi de ce minbar. Après il est bien descendu de marche. Il a dit, il est bien, il dit comme ça. Et en regardant dans les dates, cela ne coordonnait pas. Ce qui prouve que c'était un mensonge. Car à cette époque, cet homme rapporte cette parole là de Taymiyyah, il était en prison. Donc comment a-t-il pu être sur un minbar et raconter cela et faire ce que tu récites aujourd'hui alors qu'il est en prison à ce moment là? Un pur mensonge forgé contre Cheikh l'Islam pour le faire passer pour un Mujassima, un Mumassil, un Mushabbih. J'ai oublié le nom de cet homme là. Naam. Donc comment va-t-on laisser un hadith qu'on a clair comme ça pour lui faire un ta'wil, une interprétation qui n'est basée sur rien du tout? Quand des fois des hadiths ont eu un ta'wil, des hadiths c'est vrai qu'ont eu un ta'wil, une vraie interprétation. Et le ta'wil tu le fais avec des karinas, avec des indices qui indique que ce hadith-là, par exemple, il faut l'interpréter. Et ça, c'est une chose qui a des bases. Seulement, eux, ils sont venus là avec ce hadith pour dire, non, c'est des anges. Quel indice tu as pour dire que c'est un ange qui a fait ça? Tu n'as rien du tout. Quel indice tu as pour dire que c'est la rahma d'Allah qui est descendu? Tu n'as rien du tout. Quel indice tu as pour dire que c'est son ordre qui est descendu? Tu n'as rien du tout. Donc là, c'est un ta'wil, il est facile. T'as pas de karina, t'as rien du tout. Donc accepte le hadith comme il est venu. Accepte-le tel qu'il est venu. Thumma kammal, il a fini en disant وَرَوَا ذَلِكَ قَوْمٌ لَيُرَدُّ حَدِيثُهُمْ أَلَخَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَكُبِّحُوا. Donc Rawa se fait de rapporter ذَاكَ, c'est-à-dire ce hadith. Ce hadith قَوْمٌ لَيُرَدُّ حَدِيثُهُمْ, des gens dont le hadith ne peut être rejeté. Qui sont-ils? Les sahaba. Les sahaba. Ala khaba qawmun kadhabuhum wa kubbihu. Donc khaba min al-khasara. Fait de perdre. Que un peuple qui les a démentis, c'est-à-dire qui a démenti les sahaba, qu'ils ont échoué. Attends, et kubbihu. Il a donné un sens à kubbihu. Tu veux noter? Noter. Hein? Aïwa, aza, arsant. Kubbihu, ou b'idoun al-khayr. Qui ont été éloignés du bien. En fait. À la base, kubbaha, c'est le fait d'en les dire. En les dire. D'accord? Salan, la cool. La tadarif d'ojatak, elle wedge, ou la tukubbiha. Ne la frappe pas au visage. Et n'invoque pas qu'Allah, qu'il en les dise. N'invoque pas Allah. Tu dis kubbaha killah, ma salan. Que Allah t'en les dise. Ça, faut pas le faire. Mais là, le sens voulu par kubbihu, c'est qu'ils ont été éloignés du bien. Ils sont égarés, quoi. Min al-qabih. Amana qabih? La. Moche. Chose qui n'est pas belle. Donc ce hadith, comme l'a rapporté Ibn Qayyim, dans As-Sawayak al-Mursala, a été rapporté par à peu près 28 sahaba. Parmi eux, Abu Huraira, parmi eux, Abu Musa, parmi eux, Abu Bakr, parmi eux, Ibn Mas'ud, parmi eux, Abu Darda, et bien d'autres. Donc le hadith, il est mutawatir. Mutawatir, c'est ce que le shir a cité. Ma naqala jam'un an jam'in yastahilu fi 'adat fil kadhib. C'est qu'un groupe a apporté d'un autre groupe une chose qu'il est impossible qu'ils aient menti. Pourquoi? Ils sont plusieurs. C'est pas comme par exemple quelqu'un qui a vu une chose qu'il a apporté à plusieurs personnes différentes. Par exemple, moi j'ai vu une chose, un fait, et après je te le rapporte à toi, un tel, un tel, un tel, un tel. Ça c'est pas mutawatir. Mutawatir c'est si moi je l'ai vu, et d'autres l'ont vu, et après ils ont tous propagé. Tous on l'a vu, cette chose-là, on l'a entendu, on est tous présents, ou c'est pas au même moment, à des moments différents, on a tous vu un fait similaire, d'accord, et après on l'a propagé à d'autres personnes. Le groupe qu'on est, on ne peut pas avoir tous menti. Cette réunion sur un mensonge, ce n'est pas possible. Tu comprends? Venant d'une personne qui n'est pas un fiqa, qui n'est pas adl, et les sahaba kulum udul, à la base, les sahaba, c'est tous des udul, des gens justes. Mais le tawatur peut être également employé à notre époque avec des gens. Par exemple, demain, tu as vu un fait qui s'est produit. Mathalan, tu as vu un accident de voiture. Vous étiez 15 frères. Mathalan. Il y a eu un accident de voiture, sallallahu alayhi wa sallam, en bas de la rue. T'as vu ce qui s'est passé, toi? Et un tel, et un tel, et un tel. D'autres sont arrivés après. Par exemple, ils ont vu la voiture, l'épave de la voiture. D'autres, ils ont vu peut-être le corps de la victime, ainsi de suite. Tout s'y rapporte. Et tous les faits qu'ils citent coïncident. Donc après, ça se propage dans le monde. À telle heure, à tel endroit, il y a eu un accident de voiture. Comme vous savez, des frères l'ont vu. C'est comment, est-ce qu'ils ont menti? Ah, ils étaient au moins 20. On tous menti à les 20, on se connaît faire un mensonge. Pas possible. Et tous leurs informations, à la base, coordonnent. Il se peut que un, par exemple, il se trompe sur un détail, mais le fond, il est pareil. L'heure coïncide, le lieu coïncide, la voiture coïncide, les faits coïncident. Ça ne peut pas être un mensonge. Même si parmi eux, il y a un menteur ou deux menteurs, le groupe entièrement ne peut pas avoir menti. Tu comprends? Hadha wa tawatur. Et même chez les koufars, tu peux l'avoir, des informations qui viennent du monde, dans d'autres pays, que trop de gens les ont vus rapportent, ça accepte, même si ça vient des koufars. Ils ne peuvent pas se rendre. Ils ont pris une réunion, on va mentir, on va dire quelque chose. Non. Plein de koufars apportent des témoignages différents et tous ces coordonnées, ils me disent c'est un khabar mutawatir. Je l'accepte. C'est passé en Chine, à Salen, et toi, t'es, je ne sais pas où, tu es au Mexique, on te rapporte l'information, hein, et qu'elle vient de plein de personnes, que la preuve, c'est de plein de personnes ou quoi. Je ne dis pas un khabar de la télévision. Parce qu'à la télé, ils peuvent mentir eux. Je sais pas, un khabar qui vient de plein de voix différentes. Tu sais que plein de gens l'ont vu la chose. Parce que la télévision peut dire une chose. Ils peuvent dire, ouais, il y a eu 100 témoins, mais personne. Là, c'est plus un tawatur, ça. Là, c'est la télé qui dit ça, c'est la chaîne des informations. Je sais pas, maintenant, un khabar qui vient de plusieurs voix. Plusieurs personnes qui disent, si, des gens, et un tel, et un tel, et un tel, et un tel. Ou des gens ont dit ça. Après, ça mène plein de journaux, plein de trucs différents, de voix différentes, qui sont pas liés entre eux. Tu vois que le khabar les coordonne. Tu dis, ça, c'est un tawatur, j'y crois. J'y crois. C'est-à-dire, le fond de la chose, j'y crois. Maintenant, il y a peut-être des détails, je ne vais pas y croire, mais le fond de la chose, j'y crois. Tout ce qui se passe dans le monde, comme tremblement de terre, comme ce genre de choses, on n'est pas présent, on entend parler, c'est tawatur. C'est des trucs tawatur. Demain, tu entends qu'il y a un crash d'avion, c'est un endroit, tel endroit, Massalan, et qu'il y a plein de témoins, c'est un tawatur. Donc, c'est Akhbar-là, on les accepte. Ces khabar-là, ils sont acceptés. Même s'ils viennent des koufars. Tawatur, il ne peut pas y avoir de mensonge car les gens sont trop nombreux pour avoir menti. Mais ça n'empêche pas, comme on a dit, que parmi eux, certains aient menti. Mais le fond du khabar, l'origine du khabar, c'est une parole qui est véridique. Toi, tu laisses les détails et tu prends le host. Tu dis oui, je sais, je suis au courant qu'il y a un tremblement de terre. Tu dis j'accepte ça. J'y crois. Maintenant, comment c'est passé, combien il y a eu de morts, tout ça, tu dis ça. Par contre, ça, c'est autre chose. Mais le fait qu'il y ait un tremblement de terre dans tes pieds à tel endroit, à telle heure, j'y crois. T'étais pas là, non, j'étais pas là. C'est un fiqh, tu dis, c'est un tawatur. Plein de gens qui l'ont vu. Et il y a encore même les traces qui sont présentes. D'accord ? Non. Donc aujourd'hui, on a vu ces quatre vers qui sont liés à la sifat du nuzul. En Allah, subhanahu wa ta'ala, yanzilu il est samaï dunya fi thuluth al-layl akhir, au troisième tiers de la nuit, dans lequel il exauce les invocations et il pardonne les fautes et il donne à celui qui demande. Hada waqt mubarak. Mafhoum hada? Alhamdulillah.